Entrez, c'est par ici. Installez-vous confortablement. Léna, Jack vous accueille dans le club VIP. Club VIP. Le club VIP, l'émission qui déchante la tête. Ah bah c'est sûr, ça légende la tête et pas seulement la tête, hein. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Léna pour l'émission. Merci Léna d'être là, bonjour, tu vas bien? Bien et toi? Ah bah ça va, impeccable, hein. Comme un lundi, comme on dit, hein. C'est comme ça qu'il faut dire. Et nous sommes également en compagnie de Jack, moi-même, hein, autant cité. Puis il y a Thomas également dans les studios, ouais. Conseiller sportif. On sait qu'il fait toujours des prestations que les auditeurs attendent de plus en plus. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Et puis vous les auditeurs évidemment qui êtes là aussi nombreux à chaque fois, ça nous fait bien plaisir. Et on vous l'annonce, programme de fou, très alléchant d'ailleurs on m'a dit. De folie. Ouais, exactement. Donc on y va, donc il y a le sondage. Mon fameux sondage. Ensuite, il y a la Summer Chronique, je crois, le journal de la rédaction, le sein du jour et le canular et tout ça de tête. Wouh ! Waouh ! Elle est de plus en plus douée, c'est formidable. Et puis pour la musique, je dis Neyman avec Viens. C'est sympathique pour commencer une émission. Bah, venez au Club VIP, c'est ça. Allez, viens ! C'est que tu me plais, ce que je kiffe chez toi, c'est quand tu me laisses faire. Plus de temps à perdre, on a beaucoup à faire. M'as-tu compris? Est-ce que c'est clair? Si girl, tu es number one, et c'est que tu me plais. Ce que je kiffe chez toi, c'est quand tu me laisses faire. Plus de temps à perdre, on a beaucoup à faire. M'as-tu compris? Est-ce que c'est clair? It's a mystery, mi doro, opo yo doro. Sexy girl, mi bale waka kondoro. Aso many money, say be happy. Don't pay you, pote you no happy. Aso many nuku, say be happy. Je veux te voir balancer, petit à petit, on va pouvoir s'élancer sur la bonne cadence qui nous permet de danser. Igal, j'ai tout misé pour t'amuser. Si tu aimes la musique, je veux te voir balancer, petit à petit, on va pouvoir s'élancer sur la bonne cadence qui nous permet de danser. Ma sexy lady, viens danser pour moi. Si tu es là pour ça, je veux que tu sois. Bossing in a dance hall, me kung fu sing in a dance hall, you kung fu dance in a dance hall, say so you want it, you wanna dance hall, me kung fu boss in a dance hall, me kung fu sing in a dance hall, you kung fu dance in a dance hall, say so you want it, you wanna dance hall, if you love me, come on and get me, tell me where you know where me at, that's what you there make me crazy, sexy girl, try to make me. Neyman, viens dans le club. Club VIP. Ouais, c'est le club. Et ouais, c'est le club. Et ça part à max. Avec la puissance Millennium, nous allons attaquer la suite du programme. Et ça va être une summer chronique d'ici peu, Léna. Oui, mais avant, il y a le sondage. Ah, le sondage du jour, effectivement. C'est bien de le rappeler. Et c'est sur quoi le sondage aujourd'hui? Alors, ça sera sur le dernier film que vous avez vu. Ah oui, d'accord. Quel est le dernier film que vous avez vu? En ce moment, ce week-end, il n'a pas été très très beau. Donc les gens sont allés au cinéma. Et donc j'ai été voir quel était le dernier film vu par les vacanciers. D'accord. Et les Pérousiens. Mais c'est pas bête d'aller au cinéma quand il pleut. Bah oui, au moins on n'est pas mouillé. Mais ouais, exactement. On reste bien tranquille. À regarder un super film. Voilà. Il y a quoi en ce moment? Il y a les Simpsons. Voilà, il y a Transformers, il y a plein de choses. Plein de choses. Tu nous en parles juste après. Voilà. Tu nous expliques tous les films. Hein. Je vais te poser plein de questions. Moi j'adore le cinéma, c'est la passion. D'accord. Les auditeurs aussi, je sais. Et ils sont friands comme ça, tu leur donnes quelques petites anecdotes sur les tournages. Enfin, on en parle juste après. C'est après Carter Tyrone, parce que c'est juste pour le week-end. Le week-end, il est entamé, il est bien entamé, il est fini. Ah, c'est pour le week-end prochain. Voilà, c'est Tyrone. Hey, hey. Estival, puissance Millennium. À l'instant, c'était Tyrone Carter, juste pour le week-end. Et on adore ces artistes comme ça qui viennent chanter chez nous. Chez nous, c'est Estival, c'est également sur la web radio, sur www.station-millennium.com et sur estivales.fm.free.fr. Il faut tout dire, c'est important pour les auditeurs. Nous allons attaquer avec la suite du programme. Et c'est le sondage du jour, car aujourd'hui, on a décidé de tester un peu le cinéma, savoir quelle était sa part de popularité et quels étaient les films qui avaient la cote sur la côte de Granit Rose, parce que je rappelle que le sondage, c'est vraiment un épiphénomène, hein. Ça reste concentré sur Perros-Guirec et ses alentours, c'est bien ça, Elena? Oui, c'est ça. Donc je ne dis pas d'erreur. Nous allons je ne dis pas d'erreur, tu expliques si bien. Très c'est bien. C'est magnifique. Nous allons te retrouver donc, micros en main, pour nous parler un peu de tout ça. le sondage du jour. Toutes les tendances, enfin déchiffrées par notre expert. Alors, le sondage du jour, c'est quel est en fait le dernier film que vous avez vu donc par rapport à ce week-end ? Parce qu'il n'a pas fait très beau, donc on a tous profité du cinéma plus ou moins dimanche. Donc, en premier lieu, c'est Transformers. C'est un film de quoi, là ? C'est un film, je me souviens, quand j'étais petite, il y avait mes copains, ils avaient des voitures qui se transformaient en robots. Connais. Et donc, ils en ont fait un film. Il a l'air pas mal, apparemment. Il y a Les Simpsons. D'accord. Je sais pas si un de vous deux a été voir Les Simpsons ce week-end. Non, toujours pas. Mais j'ai pas été au ciné. Si je faisais le sondage, t'aurais été très déçu. Ah, c'est vrai. Ouais. Et en troisième, c'est Pirates des Caraïbes 3. Ah, le 3 quand même. Oui. Bah oui, le 3. Ah, oui. Tu savais pas qu'il y en avait 3 ? Non. Ouh là là là là. Tu vas pas souvent au cinéma. Hein. Bah, moi, la dernière fois, c'était à La Mémoire de nos pères, je crois. D'accord, ça remonte à loin. Hein. Bon, pas tant que ça. Oh, ça va, c'est une fois dans l'année en fait que tu vas au cinéma, c'est ça ? Bizarre. Ouais. Ok, donc en 1, c'est Transformers. En, ouais, en 2, Simpson. Et en 3, Pirates des Caraïbes. D'accord, mais c'est cool ça. Ouais, de toute façon, on laissera à James la primauté sur voilà. Les films, évidemment. Parce que c'est lui qui nous fait notre actu ciné. Et on salue d'ailleurs nos partenaires, les baladins Apéros Guirec, qu'on salue bien sûr, puisque ce sont des sponsors sympathiques qui vous font gagner des places de cinéma. Et ça, c'est important de le préciser. La musique, c'est David Vendetta, Break for Love. You know I love to do that to you, baby. For love. s'appelle David Vendetta, il break for love, tout simplement sur l'antenne. Club VIP. Le Club VIP, c'est avec Léna. Oui, c'est moi. C'est avec Jack également, dans les studios. Nous allons donc vous indiquer un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé. Et la sauce est très simple, puisque c'est la Summer Chronique. Alors de quoi va parler la Summer Chronique, Léna? Ah, c'est ce que je suis en train de chercher. C'est vrai, c'est un moi je sais. Média, je crois. Non. C'est pas ça? Non. Mais on va toutes les faire alors. Alors c'est rigolo parce que Léna est avec ses petites fiches pour un peu vous expliquer à vous, auditeurs, un peu à quelle sauce vous allez être mangé. Et moi je le sais. Bah, oui, mais toi c'est ta chronique, c'est normal. Alors la Summer Chronique, c'est une chronique qui revient en fait de façon récurrente. Et chaque jour en fait on en fait une différente. C'est ça qui est un peu la magie de la Summer Chronique. C'est qu'elle est à chaque fois inattendue. Et c'est pour ça que Léna dans les studios ne l'attend pas. Et vous-même, auditeur, je pense non plus. Parce que c'est toujours assez délicat. Allez, je te le dis parce que j'ai l'impression que tu t'en sors non, pas. Non, mais là, je rame en fait. Ça te fait plaisir. C'est le retour gagnant. C'est le retour gagnant. Si je dis pas de bêtises. Et le retour gagnant, alors, c'est un artiste qui revient sur le devant de la scène. Et qui a eu une actu début 2007 ou alors en 2007. Et on vous en parle tout simplement. Effectivement, je lis lundi, retour gagnant 2007, donc c'est bien ça. Et nous l'attaquerons juste après Buddy Rock. Yeah, yeah. À l'instant, Buddy Rock, yeah, yeah. Estival FM. Estival premier sur la plage, mais aussi sur les algues. Eh ouais, on est un premier un petit peu partout, hein, également sur les huîtres, parce que les huîtres, ça se déguste sur un lit d'algues. Nous allons attaquer la suite du programme, c'est le retour gagnant. Et tout simplement expliquer cette chronique, j'appelle au micro Léna. Léna, toi-même, tu sais ce que c'est le retour gagnant. Alors. Oui, c'est un artiste qui revient au devant de la scène qu'on avait perdu il y a quelques temps. Ah, exactement. Moi, je vous propose le retour d'une fille qui est un peu passée inaperçue d'ailleurs, qui est le retour de Jennifer Lopez. Vous savez qu'elle était revenue sur le devant de la scène? Bah oui. C'est vrai? Oui. Avec quel titre? Je ne sais plus, mais j'ai entendu ça dans mon... Mais non, mais j'ai vu ça dans mon petit bouquin de People que j'achète toutes les semaines. Mais pas à la radio, tu l'as pas entendu à la radio, c'est pas possible. Donc retour gagnant consacré aujourd'hui à Jennifer Lopez qui est revenue en 2007. Après une longue absence, vos artistes favoris reviennent en retour gagnant. Retour gagnant. Retour gagnant consacré aujourd'hui à Jennifer Lopez, la bomba latina. Vous la connaissez tous, tantôt actrice dans Coup de foudre à Manhattan, Amour trouble, Anaconda où elle tient la vedette aux côtés d'un gros serpent. On peut compter facile une bonne quinzaine de films à son actif, ce qui ne l'a pas empêché de donner de la voix pour nous offrir de bons gros tubes radio. Écoutez plutôt. Ça pulse, on aime. Et en 2005, Jennifer Lopez sort l'album Rebirth, traduisé Renaissance, Renaissance musicale aux influences groove hip-hop. La chanteuse porte alors la triple casquette de chanteuse, actrice et danseuse de clips sexy pour notre plus grand plaisir. Après quelques projets télé et cinéma, Jennifer s'offre une re-renaissance avec un titre tout frais, plus proche de la guitare et du flamenco, qui fait d'elle une sorte de Ricky Martin en jupon. C'est un retour gagnant et ça s'appelle Que Hiciste. Con un mundo perfecto, ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero, ayer tú me juraste que este amor sería eterno. Porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. Escrito entre mis versos, no escucharé palabras de arrepentimiento, ignoraré sin pena tu remordimiento. Mañana olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante, mañana ni siquiera habrá razones para odiarte, yo borraré todos tus sueños de mis sueños. Tu arrastre para siempre tus recuerdos. L'équipe du soir. Mais c'était effectivement un bon morceau qui est insisté et c'était tout simplement dans le club VIP pour vous accompagner. La suite du programme, ça s'annonce bien chargé puisque nous retrouverons Léna dans les studios. Le journal de la rédaction. Ah ouais, ça j'aime bien le journal de la rédaction. On va vous dire un petit peu quelles sont les news du jour, qu'est-ce qui est bien passé, qu'est-ce qui est pas bien passé. Tout ça, c'est à venir dans le programme. Il y a également, tiens, je fais un petit point du côté de la suite. Il y aura le sein du jour. Mm-hmm, avec le canular. Voilà, le canular qui est, ma foi, bien sympatoche à chaque fois puisqu'on appelle les gens au hasard. Puis on leur fait une blague. Voilà pour le programme. Pour la musique, je te propose de partir avec Alex Godino. C'est du caviar pour vos oreilles. C'est le dernier, ça s'appelle Que Passa. Club VIP. Finis les rillettes. C'est du caviar pour vos oreilles. Caviar. Que Passa Godino. Boy, I got a hook on you now, do ya? Think we're through ya? It'll take a little time, 'cause brother's gotta work it out. À l'instant, c'était Alex Godino avec le titre Que Passa. Club VIP. Et on va attaquer avec les news, le programme des insolites. Effectivement, c'est le Club VIP que vous écoutez pour ceux qui nous rejoignent. Un numéro de SMS, c'est le 0622 69 18 19. N'hésitez pas à vous lâcher sur les coms. On va regarder tout simplement s'il y a eu des gagnants ce week-end, puisqu'on a fait un jeu pour gagner 48 de nos huîtres, de nos chères huîtres. Donc si vous avez été perspicace, vous avez pu répondre à quelques questions. Là, on vous fait gagner non seulement des huîtres, mais également des places de cinéma offertes par nos partenaires, les Baladins, Apéros Guirec, Guingamp et Lannion. Pour ne citer que ces trois villes. Nous allons attaquer la suite, donc c'est le journal des insolites, c'est également le journal de vos activités sportives, et c'est maintenant dans la radio. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Il oublie son revolver à la cafétéria et se retrouve devant la justice. À Avignon, un homme de 50 ans a oublié samedi son revolver Magnum dans une cafétéria d'un centre commercial d'Avignon. Un oubli qui risque de lui coûter cher puisqu'il devra comparaître devant la justice pour détention illégale d'armes, a-t-on appris dimanche de sources policières. Et avec mon café, je vais prendre un Magnum. Non, non, pas la glace, non, le vrai Magnum. Ah ouais, c'est ça. Un militaire israélien en opération au sud de Gaza, oublié sur le terrain. Décidément, que des oublis aujourd'hui. Jérusalem. Un militaire israélien en opération avec son unité dans le sud de la bande de Gaza s'est récemment endormi et a été oublié en territoire palestinien par ses camarades, rapporte dimanche les médias israéliens. Où suis-je? Où êtes-vous? Où sont mes chartes? Alors ça c'est une blagounette de mauvais goût. Juste, bah oui, mais où sont mes chars? C'est sur mes boulettes, ça va. Alors, parce que notre amie Léna oublie également ses mots. Allez, c'est la journée. Lundi, on oublie tout. Nous allons attaquer avec le journal de la rédaction. Donc ça, c'est les insolites. Et maintenant, les activités. Caparmor, Estival, Destination Bien-être et tout le tout team. Alors, aujourd'hui, vous avez, pour cet après-midi, des activités athlétiques. Donc de 14h30 à 16h30 à Trestraou. Pour votre soirée, c'est découverte kayak de 17h30 à 19h30. Et ensuite, c'est du foot pour ce soir. Donc de 17h à 20h pour les moins de 14 ans à Kerabram. Et pour les plus de 14 ans, de 20h à 23h. Voilà. Et alors pour DBE, aujourd'hui, c'est des tresses colorées pour égayer ton été. Waouh. Et c'est à Trestrignal de 14h30 à 17h30. Et pour la journée de demain? Ah, pour demain. Et demain? Demain. Donc il y a des tableaux de nœuds marins de 15h à 17h. Ensuite, vous avez un tournoi de sandball, donc promotion du mondial féminin 2007 de 14h30 à 17h30 à Trestraou. Pour la soirée, alors on y va, il y a du catamaran de 17h à 19h, du badminton de 18h à 19h aussi, mais à Kerabram. Et après, vous avez un tournoi, donc badminton moins de 14, c'est de 19h à 20h, plus de 14, c'est de 20h à 23h. Et voilà. Et si, très très bien, DBE vous propose de venir faire votre tatouage demain à Trestrignel. Ah oui, d'accord. Ça, c'est bien. Une petite chose aussi, si vous aimez bien la musique, je rappelle que la radio est en partenariat avec la discothèque Le Why Not et que samedi, c'était énorme. Parce qu'on a rediffusé tous les mix de DJ Topher en direct sur antenne. Mm-hmm. Et ma foi, le son on était amplifié, on écoutait ça dans la voiture, on s'est dit c'est génial, faut y aller. Mm-hmm. Et non, j'encourage tous les auditeurs à écouter déjà pour voir l'ambiance parce que c'est incroyable et ça rend sur l'antenne du 107.4 et de Station Millennium parce qu'on les multi-rediffuse, ça rend merveilleusement bien. Pour la musique, je te propose un DJ Porny, Miss Horny. On vérifie les paroles juste derrière. Mais parce qu'on les cherche désespérément. Elles ne sont pas encore sorties, je les cherche depuis quelques jours, il n'y en a pas. Parce qu'on n'arrive pas à savoir les paroles, donc si vous êtes auditeur attentif anglophone peut-être. Oui, on a besoin des paroles. Vous pouvez nous aider à traduire parce qu'il y a polémique ici à la radio. DJ Porny, Miss Horny, comment qu'est-ce que ça? Get the vibe. Bah, c'est extraordinaire, c'est DJ Porny, Miss Horny, et c'est super, c'est sur l'antenne, des paroles ultra simples, nous on aime bien oui, comme bah, ça. Oui, bah j'aime la vie, t'avais on raison. On pense, hein, ça doit être ça, non mais pas sûr. Mm-hmm. Ah, t'avais tout à fait raison. Donc auditeur, vous avez écouté une chanson anglo-française, hein, c'est ça plus oui, ou moins. C'est ça, oui. Avec, on sait pas d'ailleurs les artistes sont de quelle origine. C'est un label, le genre Saous, le label c'est Scorpio, il n'y a pas d'album, il y a très peu de choses sur cet artiste. Il y a une note quand même, assez appréciée quand même pour l'instant, mm-hmm. Ça marche plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et vous risquez de l'entendre, la chanson c'est Miss Horny, alors ça veut dire mi-miel, miel horny, c'est pas ça? Oui. Ouais, c'est ça. Club VIP. La suite, c'est le Club VIP avec son lot de surprises, son lot d'émotions. Oui, il oui, y a un oui, souci, oui. Je pense. Non, il n'y a pas de souci du tout. D'accord. On alors... est en train de regarder la prochaine rubrique. Alors, c'est quoi la prochaine rubrique? Bah, c'est le saint du jour. Ah oui, c'est le saint du jour. Super prénom à fêter aujourd'hui. Oui, c'est un prénom compliqué. Non. Je ne le connais pas. Hein. C'est vrai? Bah, je sais pas. Tu connais pas la pension des mimosas, tout le monde veut être heureux. Un petit dessin animé, un manga de l'époque, d'une époque. Si, ça me dit quelque chose. De notre chose. Tendre jeunesse, bah ouais. Voilà, c'est le prénom du jour. Ça va être un prénom féminin alors, je pense. Voilà. Bon, on attaque ça après. Christina Aguilera, le titre c'est Oh Mother. So young with such innocent eyes, she always dreamt of a fairy tale life and all the things that your money can't buy. And she thought that he was a wonderful guy, and suddenly things seemed to change. It was the moment she took on his name. He took his anger out on the face. She kept all of her pain locked away. Oh mother, we're stronger for all of the tears you have shed. Oh mother, don't look back, 'cause he'll never hurt us again. So mother, pull through, we always pull through. Oh mother, oh mother, oh mother. It was the day that he turned on the kids, that she knew she just had to leave him. So many voices inside of her head, saying over and over and over, you deserve much more than this. She was so sick of believing her lies and trying to hide, covering the cuts and bruises, cuts and bruises. So tired of defending her life, no. She could have died fighting for the lives of her children. Oh my God, we're stronger. You got me, and I've got you. Oh mother, Christina Aguilera, I love you mom, oh mother, sur l'antenne. Club VIP. La suite, c'est Jack, Selena au micro pour vous accompagner dans ce club. Vous êtes bien sûr les bienvenus, c'est le club VIP, pas besoin de badge, rien, non. C'est à la cool, tout simplement. Nous allons attaquer avec le saint du jour, c'est Lena qui part en live pour vous parler un petit peu caractérologie, puisque c'est la seule ici à la radio à être spécialisée dans les prénoms. Il faut savoir qu'elle fait l'étude psychologique du prénom. Elle a étudié Kant, Freud, et puis tout ce qui permet comme ça de faire une bonne étude. C'est le saint du jour. Saint du jour, un saint à l'honneur. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est la pension des mimosas où tout le monde va être heureux. Donc c'est qui? C'est la Saint-Juliette. Oui, on l'aime tous. Wouhou, bonne fête, Juliette, Juliette. Alors Juliette, pour vous, la vie est une aventure passionnante. Votre esprit est constamment en éveil. Vous avez un profond désir d'élévation. Vous êtes téméraire et volontaire. La seule ombre en fait au tableau, c'est que vous êtes allergique aux hiérarchies et aux conventions. Ah, c'est-à-dire? Mais pas aux huîtres. C'est-à-dire? Bah en fait, elle n'aime pas l'autorité. Ah oui, d'accord, c'est une rebelle. C'est une rebelle, Juliette. D'accord. Voilà un petit peu pour les principales caractéristiques de Juliette. Voilà. Et tu l'as dit, il y avait un dessin animé qui lui était consacré, qui c'était Juliette. Juliette, je t'aime. Mon dessin animé préféré quand j'étais toute petite. Ah, il faut le dire aux auditeurs, parce que on comprend mieux pourquoi tu étais passionnée par ce prénom. Mais oui, j'adore ce prénom. Mais c'est incroyable tout ça. En tout cas, c'est sûr, on va faire un canular d'ici peu sur... Qu'est-ce qui se passe? Mais Thomas est en train d'exploser le studio, ça va plus. On va faire un canular sur une Juliette, ça c'est certain. Et puis tiens, pour les nostalgiques, je vais regarder, c'est ça hein, Juliette, je t'aime. C'est le dessin animé. Hein. C'est quoi que tu nous as mis? C'est une bande originale tirée de Juliette, je t'aime. C'est magnifique. C'est beau. Tu es très gentil, merci. Mais je pense que je vais faire... Donc le canular sera en rapport avec le dessin animé, donc on va faire quelque chose de bien drôle. Là, c'est un clip. Vous ne voyez pas les images, évidemment, mais c'est, ça nous réexplique Attends, un peu j'arrive. La vie de Juliette. Ah bah, faut que tu le décrives aux auditeurs dans ces cas-là. Hein. C'est bien elle. Oui, c'est bien elle. Elle joue au tennis, c'est sympathique. Non mais Juliette, on la voit toujours balayer devant son immeuble. Devant sa porte. Ouais. Et mais t'es assez discrète. Oui. Voilà donc, nous ferons un canular d'ici peu sur Juliette. Et puis on rendra également un hommage à un artiste qui nous a quittés. Pour la suite, c'est le nouveau son avec Lincha, Je veux que tu me mentes. Estival, nouveau son, Summer 2007. Summer 2007. Je sais déjà mon désir, dragueur. Ça c'est du nouveau son, Je veux que tu me mentes, c'est Lincha sur l'antenne, tout simplement. La suite du programme, c'est avec le club VIP, c'est avec Léna dans les studios. Mm-hmm. C'est quand même de la bonne ambiance parce qu'on est lundi, on est content d'être là. On sait qu'on va vous annoncer un paquet de bons trucs à venir. Il y aura des places de cinéma à gagner, des huîtres, effectivement plein de choses. On vous met en marche la ligne SMS d'ici quelques minutes. C'est au 0622 69 18 19 que ça se passe. Décalé en place, on vous fait un signe. Et là, on va vous dire un petit peu la suite du programme. C'est le canular du jour. Oui, c'est notre fameux canular donc par rapport à Juliette. Et donc, il était dit dans les coulisses de l'émission qu'il y avait un dessin animé qui s'appelait Juliette. Juliette, je t'aime. Et il était peut-être intéressant de faire une espèce de lien entre le dessin animé et le canular qui va venir sur l'antenne. Voilà. Donc faudrait peut-être dire à une Juliette, je t'aime. C'est ça. Ça peut être marrant. Tu vas pouvoir déclarer ta flamme à notre fameuse Juliette. Juliette. Je t'aime parce que je regardais le dessin animé tout petit et. Ah, ça peut être ça. On va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le canular arrive. On le prépare avec beaucoup d'assiduité. Vous savez, les canulars, c'est toujours très compliqué à faire sur la radio. Suffit qu'on fasse une petite erreur et le canular ne marche plus, donc on le prépare avec beaucoup d'assiduité. Mm-hmm. Et ce que je voulais te faire écouter quand même, parce que et aux auditeurs également, parce qu'on dit, on parle du dessin animé, si ça se trouve ils s'en rappellent plus. Mm-hmm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur passer quand même le. Ah, qui dit mieux. Oui, qui dit mieux, mais je voulais quand même le générique du canular Juliette, je t'aime, puisque ça va être un petit peu la scène du jour aujourd'hui. Alors c'est ça, hein. Ah, oh, c'est ça, oui, c'est excellent. Tu l'as retrouvé où? Dans le fin fond des tiroirs de la radio? Ouais. À la pension des Mimosas, tout le monde est heureux, même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Tu t'en souviens, moi? Mais elle est arrivée. C'est plus un truc de fille, j'ai l'impression. Hein. Je regardais pas trop ça. Hein. Je regardais Transformers. Ah, c'est vrai. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Vraiment, c'est bien toi la plus jolie. C'est les jolies paroles, hein. Ah, mais c'est un du grand art du manga. Non, c'était toute l'époque. Alors, il y a Bernard Minet en scooter avec un faux décor de dessin animé, c'est magnifique. C'est vrai, attends, faut que je vois ça. Attention les mimosas. Il fait plein de bisous partout, c'est énorme, c'est vraiment un truc de fille, de jeune fille. Donc on vous passera la suite plus tard, c'était un petit extrait du générique Juliette je t'aime, et donc le canular c'est un petit peu dire à une Juliette combien elle est spéciale. La suite du programme c'est Magic System avec le titre Qui dit mais, restez à l'écoute, il y a pas mal de surprises qui arrivent sur l'antenne, dont notamment ce canular. Allez, c'est parti. Magic System encore ici, avec quoi de Belé? Mais, y'a quoi les gars? Toujours le show. En Côte d'Ivoire, entre nous, c'est toujours l'ambiance. C'était les Magic System avec le titre Qui dit mais. Et on peut le traduire par qui dit mieux, tout simplement. C'est alors, si je résume bien, c'est des Abidjanais, nos amis Magic System. Et ils parlent une langue, ils parlent la langue donc africaine avec plein d'expressions comme ça de là-bas. Et puis leur chanson, leur style musical, sais-tu ce que c'est, Léna, dans les studios? Non, tu vas nous le dire. Ouais, c'est du Zouglou. Wow. C'est une musique universitaire qu'ils ont quasiment inventée. Ce sont des précurseurs, Magic System. Mais il y a plusieurs autres groupes qui font du Zouglou. Mais les meilleurs représentants restent les premier Magic. Gao, deuxième Gao, n'est pas Gao. Okay. En tout cas, très très sympathiques artistes. Peut-être les plus sympathiques du circuit du monde artistique. Et ça nous fait toujours plaisir quand ils reviennent avec un titre. La suite, c'est avec le canular du jour. Donc on vous dit, ça se prépare. On va appeler une Juliette. Et on sait qu'il y a le dessin animé Juliette je t'aime, il y a également Roméo et Juliette quand même, hein. Faut pas les oublier ces deux-là, c'est les amants de Vérone. Donc il y a source de canular, et c'est vrai que ce prénom de Juliette est en plein d'amour finalement quelque part. Oui, voilà. C'est la journée du bonheur aujourd'hui. Il faut croire, pour la musique, Twist Society, et là c'est pas du tout de l'amour, puisque le titre c'est Killer. Oh. If we try and live our lives the way we wanna be, Estival FM. Estival premier sur la plage, mais aussi sur les algues. Here we go. Sophie Ellis Bextor. Et le titre, c'est Me and My Imagination. C'est sur l'antenne d'Estival que ça se passe. J'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Nous, on adore. On adore cette émission pour l'instant avec Léna. On l'écoute non-stop. C'est un peu normal, me direz-vous. Mais c'est parce qu'on apprécie les chroniques à venir, puisqu'on sait que les infos dévoilées vont vous faire plaisir également. Voici la météo du jour sur l'antenne. La météo des fruits de mer. La couleur de votre été en direct de la radio. Alors, quelle est la couleur de l'été aujourd'hui? Bleu, jaune, vert? Bleu, puisque le soleil est là et est revenu. Il fait 19 degrés. Il y aura un peu de vent pour cet après-midi et la température de la mer est de 16 degrés. Donc, c'est cool, le soleil est revenu. Et ça il restera plaisir. Toute la journée, j'espère. Ou hier, il a plu. Bah, t'es allé au cinéma? Ouais, j'étais voir Transformers. La suite du programme, c'est en musique. Le nom du groupe, c'est NZH. Et leur tout dernier single, le titre, c'est... New Style. Ouais, tout à fait. C'est Estival que vous écoutez. Excellente écoute. Et New Style va partir parce qu'il est un peu paresseux aujourd'hui. Allez, New Style, c'est à toi, NZH. Ça, c'est les nouveautés. Hein. Des fois, ça part, des fois, ça part pas. Quand la radio part pas... On fait un petit point du côté de la suite, c'est le canular. Oui, vous avez dû vous rendre compte qu'on a zappé le canular, parce qu'on n'arrive à voir aucune Juliette. C'est incroyable, ça. NZH, New Style, et le New Style, ça va être avec Juliette au téléphone, c'est le canular juste derrière. Tout se donne pour le showtime. Armée de colchons, on combat depuis long time. Nos efforts paieront l'avenir, fera moins mal. Nous avons la chance d'avoir le mic, une guerre lyrique. Si pour une seule personne, nos lyrics parlent à son âme, alors nous récolterons les fruits de notre travail, tous ensemble sur de bons rails. Reggae, musique est ma passion, l'encre de mes veines, mon cœur, ma respiration. Mais ça depuis long time. Happiness ma colche à mes premières sessions. T'inquiète, j'oublierai pas le moteur de mes créations. La même innocence, aujourd'hui rien n'a changé. Comme par magie, les vents n'ont jamais tourné. Pas de doute, pas de galère, fiction, réalité. Aujourd'hui je reviens chanter. Si tu veux du new style, style, style, des mélodies qui te mettent high, high, high. On te donne rendez-vous, man, pour la dance all time. Reggae night, fais passer le natural, Zion High. Si tu veux du new style, style, style, des mélodies qui te mettent high, high, high. On te donne rendez-vous, man, pour la dance all time. Reggae night, fais passer le natural, Zion High. Pas facile de voir la réalité et d'avoir l'esprit tranquille. De surmonter les épreuves sans jamais perdre le fil. Je donne ma manière et je te révèle mes bonnes combines. L'amour et le reggae sont mon apport en vitamine. So, écoute mes flots et apprécie mes rimes. Les vibes que j'exprime sont pour les frères qu'on opprime. Je représente mon crew, celle-ci est pour tous mes bêtuis. My selector, donne-moi du power, je rentre dans la dance hall. Tu sais qu'avec le natural, les bad vibes sont dingues. Donne-moi du power pour les frères qui sont là. Style, style, style, des mélodies qui te mettent high, high, high. On te donne donne rendez-vous, man, pour la dance all time. Reggae night, fais passer le natural, Zion High. Si tu veux du new style, style, style, des mélodies qui te mettent high, high, high. On te donne rendez-vous, man, pour la dance all time. Reggae night, fais passer le natural, Zion High. Well, on a pris rendez-vous avec la vibration. La musique est une mission, non une compétition. Une atmosphère lorsqu'on s'occupe de la session. Le NZH rentre en action. Du new style, pour toutes les sisters, pour tous les brothers. Ceux qui bougent le go swing et waga du new style. Reality and culture, c'est la dancehall fever. Big up à tous les massifs qui sont là du new style. Si tu veux du new style, style, style, des mélodies qui te mettent high, high, high. On te donne rendez-vous, man, pour la dancehall time. Fais passer le natural, Zion High. Si tu veux du new style, style, style, des mélodies qui te mettent high, high, high. On te donne rendez-vous, man, pour la dancehall time. Reggae night, fais passer le natural, Zion High. Si tu veux du new style, style, style, des mélodies qui te mettent high. Attention, c'était New Style avec NZH. Et oui, Club VIP. C'est le Club VIP que vous écoutez. Et puis ça se passe bien, hein, dans une bonne ambiance, dans une ambiance de fête, de folie. Et là, il y a Léna dans les studios. C'est génial parce qu'elle est transplendissante. J'avais envie d'inventer un nouveau mot aujourd'hui à la radio. C'est gentil. Transplendissante. Nous allons attaquer avec le canular du jour. Non, je me mets dans l'esprit du canular, un petit peu festif, un petit peu... un petit peu gaudriole. Nous allons donc attaquer avec un traiteur qui s'appelle Juliette. Donc je vais faire une espèce de client qui veut organiser une sorte de mariage pour sa petite amie qui s'appelle Juliette. Oh, c'est beau. Voilà, sympa quand même comme canular. C'est un canular de l'amour. C'est très mininette. Nous on aime bien sur l'antenne comme ça faire ça. On va voir si la ligne est bonne. Elle est de plus en plus meilleure. On va sur Bordeaux. Ouais, vive l'Aquitaine. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour. Bonjour, Thierry Denier. Je vous appelle parce que je souhaiterais des informations complémentaires sur l'organisation. Pas très bien ce que vous voulez dire. Oui, vous faites bien des mariages, etc. Je suis fait la cuisine à domicile. Voilà, c'est ça. Bah, par exemple, dans le cadre d'un mariage. Éventuellement. Voilà. C'est parce que vous allez vous marier ? Oui, en fait, bah, et c'est pas par hasard que je vous appelle, parce que moi, je vais, j'ai rencontré une Juliette. Oui. Et vous vous appelez Juliette, cuisine. D'accord. Vous voyez le petit clin d'œil déjà ? Je vois. Voilà. Donc, bah Juliette, je l'aime. Hein. Et j'aimerais lui donner les meilleurs plats. Oui. Comment que ça se passe ? Quelle est la Rolls-Royce, en quelque sorte, au niveau plat ? Vous mariez quand ? Oh, dans 2-3 mois, là. Hein. D'accord. C'est pour ça que je me prépare bien à l'avance. Vous allez être combien ? On va être une petite 200. Hein. Ah oui, alors voilà, je ne sais pas pour ce genre de nombre. Voilà. Voilà, je vais pas au-delà de ça, en fait. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire appel à deux traiteurs, parce que je tiens absolument à ce qu'il y ait Juliette Cuisine, vous comprenez ? Par rapport à Juliette, je t'aime. D'accord. Hein, vous comprenez ? Donc, on va faire moite-moite. Et comment ça se passe ? C'est un dîner assis ? C'est un... Pardon ? C'est un dîner assis ? Allongé. En fait, le thème, c'est romain. C'est en fait un dîner romain. C'est une blague, non ? Pardon ? C'est une blague ? Non, pas du tout. Pourquoi ? C'est un thème qui revient assez fréquemment. Moi, on me l'a conseillé, en fait. D'accord. Voilà. Je vais prendre vos coordonnées, monsieur. Bien et sûr. Je vais vous envoyer une plaquette et vous allez me rappeler. Bien sûr. Alors, Denis... D-E-N-I-S, comme le prénom. Oui. Thierry, c'est mon nom. T-H-R-E-2-R-Y. Oui. Et vous oubliez pas le E? Non, je l'oublie pas. Parce que moi, je l'ai oublié. Donc, et vous voulez l'adresse? Alors, vous l'envoyez directement à Estival, Pérouse-Guirec. À sa Pérouse-Guirec? Oui, vous connaissez un petit peu? Le mariage à Pérouse-Guirec? Tout à fait, ça fait peut-être loin, non? Ah oui, moi, je me déplace pas en Bretagne. Ah bon? Ah mais moi je croyais que vous faisiez dans toute la France. Non? Non, désolé, non. Ah d'accord. Vous connaissez un peu? C'est pas si loin? Non, c'est pas si loin, mais c'est quand même un peu loin. Ça va refroidir les plats. Voilà. Bon, bah tant pis. Merci. Je vous souhaite une bonne fête, Juliette. Merci. Au revoir. Voilà, donc pour ce c'est génial, je le connais. Attends, je vais... C'est amusant. Ah oui, tu m'aides un peu. Alors, je vous annonce la suite de la musique. Ça va être Fatal Bazooka. Le titre, c'est Tranquillement, à base de tranquillade. Ouais. Ouais. Ça y est, je vais faire le son de Marseille. Bien. Le son de Playa en direct de la Marina. Fatal Bazooka, Saint-Trope, Ibiza, Chambéry, La Clusa. Même combat, ouais. Montagne en chacal, gonfler bloc bloc, ça va faire mal. Je viens pour tout péter, pas réparer. Même tu rames pourrait pas me stopper. Lunettes de soleil bien calées devant les yeux. Pour une paire achetée, mec, j'en ai eu deux. Jamais on galère, mat comme en chair. Oh, Fatal, t'es trop fort, tu veux pas être mon père. Je suis là pour bouffer de la foule et prendre des bains de moule. Ou l'inverse, je sais plus, ça me saoule. Juste la balle, la bombe de balle, de la bête de bombe. Je commence à fond, je termine en tronc. Je fais non-stop, je tapais des tops. La nuit et va sans Tony Puy. Toujours présent, mec, je fais pas semblant. Oh, Fatal, t'es trop fort, tu veux être président. Tranquillement, à base de tranquillade. À l'aise comme Fatal. Pépèrement, à base de pépérade. On est au fichage. Tranquillement, à base de tranquillade. Et on fout que dalle. Sérénement, à base de sérénade. Ça y est, ça chauffe, je tombe la cagoule. Ça y est, si on péchauffe les cagoles. Premier en slip, premier en sandale. J'déballe le matos, laisse y faire le scandale. Au programme, jet ski dans le jacuzzi et Lucini en bikini dans une mini Moïse. Oh, Fatal, t'es trop fort, tu m'étales du monoïse. Prends la son jupe à la salle de jeu. Vas-y, toi, je te déshabille en deux. Si tu avances et tu recules. Comment veux-tu que je t'en. Lève ton pull. Hey, cousine, j'suis une sex machine. Ramène pas tes copines, toi j'te casse le string. T'es comme une folle et j'finis sous mes vêtements. Oh, Fatal, t'es trop fort, tu me fais un enfant. Tranquillement, à base de tranquillade. Personne ne danse, on fait le tranquillement, je vous explique. Main derrière la tête, tu bouges juste le bassin. Tranquillement, à base de tranquillade. Tranquillement, à base de tranquillade. Personne ne danse, c'est trop vilain. Juste tu balances, des coups de rein. Tranquillement, à base de tranquillade. Tranquillement, à base de tranquillade. Personne ne danse, c'est trop vilain. Juste tu balances, des coups de rein. Tranquillement, à base de tranquillade. Tranquillement, à base de tranquillade. Bah si, faut tous les faire, hein. C'est Estival que vous écoutez. Club VIP. Et c'est le Club VIP exactement qui est parti dans cette ambiance, hein. Chalut les web auditeurs qui nous écoutent, les auditeurs également sur la bande FM, ça fait bien plaisir, sur le 107.4. Yalena dans les studios, toujours aussi radieuse, transpendiante aujourd'hui. Non, c'est la journée où on invente des mots, hein. C'est pour ça. Nous allons attaquer la suite. Qu'est-ce que c'est la suite? Parce que je crois que tu vas être mise à beaucoup à contribution là dans cette émission. C'est vrai. Ouais, sur la fin là. Je crois que c'est Dance Machine du jour. Ah oui, on attaque avec ça ? Si tu veux. Et les news, on les fait pas alors ? Ah si, si tu alors, veux. Alors les news quand même. Mais on est un peu décalé donc. Ah bon ? Ah non. Bah oui, il est midi. C'est lundi. Oui, mais... Mais non, parce que pour certains auditeurs, dis pas ça, parce que pour certains, il est également... alors si je calcule bien, il est 22h17, également pour certains autres. Donc effectivement, on est un peu décalé. Pour la musique, Van Gogh, Niels Van Gogh précisément, Enya, le titre c'est Poverty 2.0. Oh no no. Can I get a hand? L'instant, c'était Niels Van Gogh et Enya Poverty 2.0 sur l'antenne. Nous allons attaquer avec les news. Et comme c'est bien fait, on a décidé un peu de changer la formule dans les news. Bon, il y a une actualité un peu dramatique. Dramatique. Si, quand même, c'est la disparition de Michel Serrault qui n'est plus dernière pitrerie moyennement drôle. Il s'est éteint à l'âge de 79 ans. On essaiera quand même de faire un petit point avec un extrait de ses films, un extrait d'un de ses meilleurs films. Il en a fait tellement. Et la formule change un peu dans ce journal de la rédaction puisque nous vous trouvons maintenant 4 nouvelles insolites. Wow. Ah ouais, c'est comme ça que on ça se passe. Gâtés. Ah bon, ah bon, on a changé. On a changé tout. On change de mois bientôt. Ah bah oui, c'est on ça. On va changer de formule. Ah non, écoutez la radio, ça va être fou. Wow. Autant le premier mois, bon, c'était un coup d'essai. Ouais. Mm-hmm. Et le deuxième, alors là, vous avez pu nous reconnaître. Ça va être radio plus. Voici le journal de la rédaction, les news, c'est parti. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Au sommaire, une grand-mère polonaise sautillante, Japon. Après le mécène des WC publics, le bienfaiteur des boîtes aux lettres. Une grand-mère polonaise sautillante, Varsovie, selon l'agence Reuters, une mamie polonaise de 84 ans a effectué sans encombre ce week-end son premier saut en parachute, rapporte la chaîne de télévision locale TVN24. Voilà, à 84 ans, elle sort son parachute et elle fait un saut. Japon, après le mécène des WC publics, le bienfaiteur des boîtes aux lettres. Tokyo, selon l'agence AFP, le mystérieux mécène qui dilapide depuis un an sa fortune dans les WC publics du Japon, semble avoir fait des émules. Des enveloppes anonymes contenant des centaines de milliers de yens apparaissent par enchantement depuis quelques jours dans les boîtes aux lettres du pays. Ça fait bien plaisir, s'il pouvait venir en France avec des euros, ça ferait des heureux. La suite, c'est le journal des activités Cap Armor avec également les activités Destination Bien-être. Tu nous en fais des nouvelles activités ou c'est les mêmes que tout à l'heure? C'est les mêmes que tout à l'heure, ça ne change pas. Donc pour cet après-midi, vous avez activité athlétique de 14h30 à 16h30 à Trestraou. Pour votre soirée, c'est du kayak de 17h30 à 19h30. Et ensuite, le tournoi de foot, donc pour les moins de 14, c'est 17h à 20h à Kerabram. Et pour les plus de 14, c'est de 20h à 23h. Pour Destination Bien-être, donc cet après-midi, c'est les tresses colorées pour égayer son été à Trestriniel. Et pour demain, donc vous avez tableau de nœuds marins de 15h à 17h. Vous avez un tournoi de sandball, donc promotion du mondial féminin 2007 de 14h30 à 17h30 à Trestraou. Et pour la soirée, c'est du catamaran de 17h à 19h. Une initiation au badminton de 18h à 19h à Kerabram. Et ensuite, vous avez le tournoi de badminton, donc des moins de 14 de 19 à 20h. Et les plus de 14 de 20h à 23h. Tu l'as bien dit. Ouh. T'es vraiment méhérique aujourd'hui. La suite du programme, c'est Arnaud Cos. Non, j'ai dit qu'on inventait plein de mots aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Mérique. Oui. Je sais pas, regarde dans le dictionnaire. Magenta. Arnaud Cos sur l'antenne, c'était le titre Magenta, c'est une belle couleur également. Le club VIP, c'est la suite, et puis on vous propose une petite musique, là c'est Rof avec la résurrection de Tony Montana, et c'est en direct sur l'antenne. Restez quand même à l'écoute parce que là on va faire le Dance Machine du jour, c'est-à-dire qu'on plonge dans les souvenirs avec un revival des années des années 90. Et aujourd'hui, bah, la surprise, c'est que Léna, elle l'a bien mise au chaud sur un vinyle. C'est la surprise revival du jour. C'est juste après Rof. Montana, son père de vice, mais quel état est Anna? Regarde quand tu mets tes panas. L'alcool, les drogues et les flammes te laissent droit ou au caca. Qui verge chez Tony Montana? À la prod, c'est le diable et plus près de Palma. Casse tes roches, coule le tarma. Pour les mecs qui ont le manche et ne font jamais les cadres. Pour Tony, tu perds les pédales. Ta fumée marie et ne sent plus les rafales. Parti en touche, tout sur une montagne de gamme. Pour être seul contre tous, faut du courage et des armes, t'es comme ça. Ok, on ramène ça, enfoiré de sans ça. Le chargeur rempli de messages, j'ai pas des hommes ça. Avec ton or, ton diamant, je laisse ça. Nos femmes, nous, on brille violemment, constat. La chair en sphère, fumée d'eau constable. T'as la taille, tu n'as même, faut qu'on se tape. Je hâte, les principes tiennent le pouvoir. Lorsque tu possèdes, tout un homme rêve d'avoir. Le matériel, la tasse, tu bosses, fatalement, je t'ose. Tu causes, le chaos, tout le monde s'allie à ta cause. Les juges, les brocs, ton pocket, ton avocat, tous payent. Dans les guides, on passe tous, on drogue. Verge Tony Montana, son père dans le bis, mais quel état est Anna? Regarde quand tu mets tes panas. L'alcool, les drogues et les flammes te laissent noir ou au placard. Verge Tony Montana, à la prod c'est le diable et plus Brian de Palma. Casse tes roches pour le tarma. Pour les mecs qui ont le manche et ne font jamais les canards. T'as l'argent, t'as le pouvoir. T'as le pouvoir, t'as les femmes même, Stevie Wonder a pu le voir. Gère, avance ton pion, essence des affaires. Des champions, qu'on est une, plus quoi savoir en faire. On espère, avant ce problème. Plus de soucis, plus tu souffres, plus on t'aime. Plus on t'aime, plus on plus speed, ils ont drogué l'époque. On incarne le mode de vie, Scarface dans le front. La loi la plus grosse tasse, la France en état de choc. Trop chaud pour du cash, même des cadavres qui flottent. Tony, t'es un schlag, tu dépends ta gamelotte. Haute mer, la navigation dépend de son pilote. Sans péril de l'illicite, sans la première porte. Le radar c'est le clock, les bouches changent de top, tant que ça croque. Porte tes couilles, ton flingue, y'a pas de pote. T'es enceinte d'une balance, va avoir. Qui verge Tony Montana, son verre dans le bis, nickel et taïtana. Regarde bien, tu mets tes panas. L'alcool, les drogues et les flammes, te laisse mort ou au placard. Qui verge Tony Montana, à la prod c'est le diable et plus Brian de Palma. Casse tes roches, coule le tarma. Pour les mecs qui ont le manche et ne font jamais les canards. Qui verge Tony Montana, son verre dans le bis, nickel et taïtana. Regarde bien, tu mets tes panas. L'alcool, les drogues et les flammes, te laisse mort ou au placard. Qui verge Tony Montana, à la prod c'est le diable et plus Brian de Palma. Casse tes roches, coule le tarma. Pour les mecs qui ont le manche et ne font jamais les canards. Ouais, vas-y Tony Montana sur l'antenne. C'est évidemment Rof. Le grand retour de Rof avec Résurrection. Il en a fait une autre dernièrement, mais bon, celle-là reste quand même au sommet des charts. La suite du programme, on va attaquer avec Miss Lena, puisque le sport, ça sera avec Mister Thomas. Et Miss Lena va nous parler Dance Machine du jour. Dance Machine du jour. Allez, on y va, Lena, c'est parti. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui dans le Dance Machine du jour et juste avant de nous parler, effectivement, je vais faire une petite... Je vais faire bien les choses, je vais te mettre quand même un jingle avant que tu parles. D'accord, ça marche ? T'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de dire oui. Faut que t'attendes le jingle, c'est quelque chose de terrible à la radio. On a le droit de parler qu'entre les jingles. Et oui, et le jingle arrive. Ah oui, t'as plein de choses à dire, hein. Tu fais plein de signes au micro. Attention, c'est parti, c'est le Dance Machine du jour. Aujourd'hui, un artiste et même un groupe. Le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Alors, aujourd'hui, c'est S of Base, excusez-moi. Donc, en 92, c'est un groupe suédois. Donc, voilà. Tu veux savoir d'autres choses ? Merci, Léa. Bah oui, merci. Non. Alors, on écoute maintenant. Non, alors, en fait, avant de former un quator, le groupe, en fait, forme un trio appelé Tech Noir. Tech Noir. Voilà. Donc, il rencontre... alors, excusez-moi pour la prononciation, mais Ulf... Ekberg, c'est ça ? Non, ne t'excuse pas. Et vont connaître la gloire au début des années 90, donc en formant le fameux groupe S of Base. D'accord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les labels ont eu du mal à accepter les démos du groupe, car ils jugeaient les chansons trop évidentes et simplistes. Ah bon ? Ouais, avant de percer, ils ont eu un petit peu de mal. Happy Nation. Voilà, mais la mieux c'est... All That She Wants. Voilà, All That She Wants, ouais. C'est ça. Et The Signs aussi. The Signs. Tu veux laquelle alors ? Parce qu'on les a toutes. La deuxième. All That She Wants, voilà. C'est ce qu'on nous a conseillé. Notre expert en SO Base nous a conseillé All That She Wants. Ok, ils sortent encore des choses en ce moment, ils ont une actu ? Non, j'ai pas trop d'actu pour le moment. Et c'est qui compose le groupe ? Il y a trois... Donc, quatre, je crois, hein. Ouais, il y a un frère, deux sœurs. Ah ouais ? Je crois, ou c'est deux frères, une sœur. Je sais plus en fait. D'accord. Et il y a Ulf... Ulf Ekberg, en fait. Ulf Ekberg, ouais, qui est sympathique. Qui forme le quatrième. Ah d'accord. Bon bah on va s'écouter All That She Wants, c'est le revival du jour, ça fait partie des Dance Machine évidemment que vous avez pu entendre. Ils sont quatre, hein, ils sont oui, quatre. Oui. Mais je lui demandais s'il y avait deux sœurs ou ah, deux. Ah tu demandais aux spécialistes dans ouais. Ce qu'il faut dire aux auditeurs. Lui il adore S of Base en fait. À la radio nous avons un spécialiste trucs, voilà, de S of Base qui a préparé cette chronique et qui nous a parlé d'Ulf Ekberg. Voilà. Et nous allons passer maintenant sa préférée All That She Wants. On espère vous faire vivre ce grand moment de S of Base sur l'antenne, auditeurs. All That She Wants, préparé à faire chauffer votre texto. C'est au 0622 69 18 19 que ça se passe. Alors là, vous venez d'entendre le revival quand même, Dance Machine, Ace of Base, All That She Wants sur l'antenne. Club VIP. On fait un petit point du côté du programme avec Léna dans les studios, ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Bon, le public est content, on est satisfait ? Je l'espère, il a intérêt. On va faire aujourd'hui, on va renouer avec la tradition du Sun Game, où on vous fera gagner des huîtres, on va vérifier... si la ligne fonctionne bien, parce qu'on a eu un petit bisbille au départ à l'émission. Normalement, on a tout reçu vos messages, ça nous a fait bien plaisir. Et Léna, tiens, très officiellement, va ouvrir la ligne SMS à partir de maintenant, 0622 69 18 19. C'est pour gagner des places de cinéma, des bourriches d'huîtres et plein d'autres choses bien sympathiques. Nous allons attaquer la suite du programme et je suis chargé auprès de vous, auditeurs, de faire un point avec Léna sur les programmes en fait que vous allez retrouver, les chroniques. Alors Léna, comment ça se passe sur la radio? Comment ça se fait? Alors à la radio, on va retrouver le TVScope. Ah ouais, c'est bien ça. Oui, non, c'est mais ça. C'est ça hein. Le TVScope. Ah ouais, c'est ça. Alors pour les auditeurs, c'est un peu une façon d'écouter la radio, mais tout en continuant à suivre les programmes de la télé. C'est ça. C'est pas mal ça. Du monde entier, surtout. Et faut le dire, hein. Pour la musique. Ah oui, c'est moi qui l'ai. Alors c'est Michael Kaiser avec Emergency, c'est ça? Ouais, c'est un featuring il me semble. Oui, avec Kai. Il paraît qu'avec le cannabis, on se sent super bien. Ouais, bah une fois, j'avais vraiment trop fumé, quoi, et j'ai vomi partout dans la rue, direct, et c'était vraiment horrible. Et je me sentais vraiment mal, j'avais la tête qui tourne, je tombais dans les pommes. Pendant ce temps-là, tous mes potes, ils rigolaient, et moi, je comprenais pas ce qui se passait, je pouvais plus me relever. Je sais pas, je gérais plus rien, je contrôlais rien du tout. Je me sentais vraiment mal, quoi. Malaise, angoisse, bad trip, le cannabis est une réalité. Appelez Écoute Cannabis au 0811 91 20 20 de 8h à 20h. Coût d'une communication locale depuis un poste fixe. Club VIP. Voilà, c'est le Club VIP, la suite. Et puis avec ces messages quand même de prévention santé, promotion santé, c'est important quand même. Faut faire très attention à sa santé. Hein. Ah ouais, non, mais attention. Ça rigole pas. Non. Nous allons attaquer la suite. C'est le TVscope, vous savez, c'est cette... c'est cette chronique, tout simplement, qui vous permet à vous, auditeurs, de ne plus écouter la télé. Non, donc, de ne plus regarder la télé et d'écouter la radio. Oh là là, comment c'est compliqué à la radio ici. Nous allons attaquer avec le TVscope. Allez, c'est quoi le TVscope, toute l'actu de la télé, toute sur la radio. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est Pimp My Ride. Quoi, mais pourquoi tu rigoles à chaque fois que je dis quelque chose en anglais? Il est encore plus mauvais que moi et il rigole. Pimp My Ride. Donc entre fiction, réalité et jeu télévisé, en fait, Pimp My Ride, voilà, tu me déconcentres. Donc présenté par, alors là franchement, Blowpunkt, c'est ça? Ouais, Blowpunkt. Ouais, c'est le show en fait à l'américaine qui réalise vos vœux les plus fous. Votre voiture est la honte du bitume? Eh ben, vous appelez... Blowpunkt. Non. Mais non, c'est un rappeur. Exhibit. Attendez patiemment sa visite et vous aurez droit au lifting intégral de votre vieille voiture. Il file n'importe quoi. Ouais. C'est super sympa. Hein. Bah non, parce qu'il met des lecteurs DVD dans les phares, tout ça, enfin, truc de taré. Exhibit. Ouais. Et c'est un chanteur de quel groupe? Alors c'est un rappeur au succès éclatant de la fin des années 90. Donc et en fait il a fait de nombreuses collaborations avec Dr. Dre et Snoop Dogg. Ah ouais, c'est pas n'importe quoi. Hein. Non. Exhibit. Et sympa quand même. Je crois qu'on a un petit extrait, non, il me semble. En fait il y a un long extrait parce que j'ai récupéré la première. Non mais c'est en fait la première parce que c'était en trois parties. Donc je t'ai récupéré la première partie, donc c'est lorsqu'il présente un peu la voiture, ouais. Elle est vraiment dans un état catastrophique, il y a des champignons qui poussent dedans. Pourquoi pas? C'est super sympa. Donc c'est Pimp My Ride, hein, c'est voilà. Ça voilà. Alors c'est parti. En association avec Blowpunkt, ça, le c'est point là. Fort dans votre auto. Ah oui, déjà c'est le partenaire. C'est générique ça. Poubelle à roulette complètement pourrave, ça se trouve pas qu'aux States. Il y en a partout dans le monde. Pimp My Ride s'internationalise. Ah ouais. Lil Jon va tuner votre caisse. Bah pour ta voiture, si tu veux, ça fonctionnerait super bien, je vais les appeler. Yes, affirmatif, ex. Ah, il a dit d'accord. Je me balade en ville dans ma décapotable. Tout le monde se presse pour prodiguer de l'amour. Elle est super belle. C'est classe. Ah, elle est super belle. Mais c'est loin d'être le cas pour Caroline. Sa décapotable devrait lui rappeler des vacances géniales qu'elle a passées avec sa famille. Mais sa vieille carcasse cacadois lui rappelle surtout qu'elle a connu des jours meilleurs. Ah, tu vois pas l'état de la voiture, mais c'est bah bon. Déjà cacadois, elle a une sale couleur. En fait, elle a des mouettes qui, des oiseaux qui ont fait caca sur la voiture. Elle a une, en fait, elle est décapotable la voiture, et en fait, il y a des gros trous dans la capote. Ah non, mais c'est souvent des tas de boue. Hein. Ah c'est c'est moche quoi. Il y a de la mousse qui a poussé dedans. Il y a des champignons. Franchement, elle peut même manger dans sa voiture. Des champignons. Il y a des araignées. Elle a trouvé un crapaud, je crois, des trucs comme ça. Et Exhibit, lui, ça lui fait pas peur. Ah lui il a dit que franchement il la pouille à un moment donné, je sais pas où c'est mais c'est excellent. Ça c'est ma caisse. Et une bonne son en tout cas. Mm-hmm. C'est une Opel Kadett Cabriolet de 1990. Mon père en avait fait cadeau à ma mère. On l'a depuis presque 14 ans. Elle fait quasiment partie de la famille. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs. Donc on avance, c'est dernier extrait. Et ça me branche bien comme idée. Donc là, Exhibit, il est en train de réparer la voiture. Et un peu, c'est un peu ça, en fait, l'idée de Pimp My Ride, c'est qu'il va designer la voiture. Voilà, c'est ça. Donc en fait, t'as une partie de présentation donc, sur la voiture, ce qu'elle vaut par rapport aux gens, sentimentalement et tout ça. Ouais, d'accord. Et ensuite, après, lui, il arrive et clac. La voiture, elle devient super belle. C'est un peu comme déco sur M6. Ta maison, elle est toute moche. Puis hop, en un claquement de doigts, ça y est, la maison est super belle. Et donc, on peut voir ça sur quelle chaîne? Ah, c'est sur une chaîne américaine. Je ne l'ai pas. Et française, non? Il me semble même CM ou MTV. Quelque chose comme ça, ouais. Voilà, donc Exhibit, Pimp My Ride, c'était le choix coup de cœur de Léna au niveau TVscope. Pour la musique, choix coup de cœur, David Guetta avec le titre Delirious. We'll be right back. David Guetta, Delirious sur l'antenne. Le club VIP. Et vous écoutez le club VIP, c'est la suite, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance Summer 2007 avec vous et avec Léna. Oui, c'est parti. Et oui, alors qu'allons-nous retrouver dans la suite de l'émission, Léna? Ah ah, surprise. D'accord. Ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et ben, moi, ce que je vous propose en tout cas pour les auditeurs, et retenez bien ce numéro SMS, on vous fait gagner cette fois des places de cinéma. Deux places de cinéma. Deux aujourd'hui? Ouais. Oh, t'es généreux, plus bah, les 48 huîtres. Bah oui. Oh, qu'est-ce que tu es gentil. 0622 69 18 19, c'est le numéro SMS à bien retenir. 0622 69 18 19. On joue d'ici quelques instants au Sun Game, le jeu de l'été, juste après le prochain titre. Ça te va? Ça te plaît comme programme? Bah, oui, mais bon. Beauty Love, c'est le générique de... Secret Story quand même. C'est vrai. Que demain je vous donnerai des nouvelles sur Secret Story parce qu'il s'est passé plein de choses ce week-end. D'accord. Ça devient de plus en plus désastreux et ça c'est bon. Time for cyber sex. what you're looking for, okay? I wanna see you on my screen. Show me your body and all night long. I wanna see you on my screen, boy. Girl, it's time for cyber sex. I wanna see you on my screen. Show me your body and all night long. I wanna see you on my screen, boy. See you on my screen, boy. Show me your body. Bah, c'était tout simplement Beauty Love, hein. Tout simplement sur l'antenne Beautiful, Full Beauty, I Wanna Chat. Et pour nous accompagner, puisque vous aimez le sport, je sais que vous êtes toujours très friands de la rubrique de Thomas, qui nous fait un point sportif sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Thomas, attention, c'est à toi. Et là, il se chronomètre et ça fait, attention, oui Léna, combien de secondes? Il y a le tabouret. Bah, en plus, le problème, c'est qu'il y a un obstacle. Attention, 3, 4, 7 secondes, 29, c'est ton plus mauvais score pour arriver au micro, bravo! Il a même pas mis son casque en plus. Il fait trembler toute la radio à chaque fois. Alors que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu ne fais pas le Tour de France? Non, je le fais pas, non. D'accord. Alors, un petit peu de points sur le programme, donc sportif. Que s'est-il passé ce week-end? Du foot, par exemple? D'accord. Ça te dit de parler du foot? Oui, très bien, j'aime bien. Voilà. Trophée des champions, donc Lyon a remporté pour la 6e fois consécutive le trophée devant Sochaux 2-1. Donc voilà, un trophée de plus pour les Lyonnais, pour ceux qui aiment Lyon, ça peut toujours faire plaisir. Ouais. Léna, tu aimes Lyon? Oui. Supportrice On d'accord. Est tous acharnés, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. En Ligue 2, juste pour dire que Guingamp a perdu son premier match en Ligue contre 3-1-0. Donc voilà, pour ceux qui étaient... Non, ils pouvaient même pas assister au match puisque c'était à 3. Ah bah si, ils peuvent faire le déplacement. Ils peuvent faire le déplacement, mais bon, c'est pour ceux qui sont très supporters, très fans. Ensuite, toujours en foot, l'Emirates Cup a été remporté par Arsenal. Ils ont gagné contre l'Inter 2-1, donc voilà, ils ont remporté leur trophée. Et puis aussi un mot pour dire qu'en Coupe d'Asie, l'Irak a remporté la Coupe devant l'Arabie Saoudite, 1-0. Voilà pour le foot. Ensuite, pour le tennis, il y avait 3 tournois cette semaine qui se déroulaient. Donc il y en a un à Kitzbühel et c'est Juan Monaco, l'Argentin, qui a gagné contre Potito Starace en 3-7. Aoumag, c'est Carlos Moya qui a remporté le trophée devant Pavel en 2-7. Et Indianapolis, le russe Toursunov qui a remporté son deuxième tournoi devant Doncevic. Ah, quand même. Et puis enfin en cyclisme, donc Daniele Benatti a remporté la dernière étape aux Champs-Élysées. Mais c'est fini alors? Ouais, c'est fini, bah Contador il a remporté le tour, il est maillot jaune. Ouais. Je savais pas, tu me dis ça là. Le Tour de France est fini. C'est terminé depuis hier. Ah d'accord, je savais pas. Voilà. Et donc Evans termine deuxième et Lepheimer troisième. Et ensuite Soler, le Colombien a remporté le maillot à pois, Bounen le maillot vert. Et le premier français est 27ème, il s'appelle Stéphane Goubert. Belle perf. Hein. Pas mal. 27ème, c'est quand même pas mal. C'est hein. Correct. Il rate le podium de peu, comme on dit. Oh, il était à une heure quand même du vainqueur. Ah mais il est français. Et il est français. Ouais. En vélo, ça fait pas bon ménage, visiblement, depuis quelques années. La suite, eh ben, c'est... Merci en tout cas pour ces points info. Nous allons attaquer avec Relax, Take It Easy, c'est Mika. Et après, nous jouerons au Sun Game. Et après, nous conclurons cette émission, il en est grand temps. Train with nobody I know. Relax, take it easy sur l'antenne. Le Club VIP, bah c'est parti. Et puis ça va bientôt s'achever. Ah bah oui, oh là là, mais on vous annonce quand même d'énormes surprises à venir juste pour la fin là, cette dernière ligne droite comme on l'appelle ici à la radio. Eh bien, nous allons jouer au Sun Game. Et là, faut faire le Sun Game. Alors, deux places de cinéma. Oui, et une bourriche de 48 huîtres. Elles sont excellentes. Oui, tu les as goûtées, je crois. Oh oui, on sait pas. On a invité donc des auditrices à venir goûter effectivement des huîtres. Alors, ça fait très tendance. Ah oui, on recherche des Miss Huîtres aussi. Sur la plage. Sur la plage. Donc, si vous, auditrices, vous voulez être notre Miss Huîtres, nous envoyer un SMS au 0622 69 18 19. On m'a dit que ça faisait un petit peu tape à l'œil d'aller manger des huîtres sur la plage. Mais ça fait très estival. Je propose ça aux auditeurs, c'est une nouvelle formule. Voilà. La formule comme ça. Je propose de manger avec vous des huîtres sur la plage et de vous tenir compagnie. C'est génial. Faut créer des modes. On ramène le Club VIP sur la plage. Faut créer un style. Et c'est un peu notre style. Alors, comment faire pour gagner cette bourriche d'huîtres? Comment faire pour gagner ces places de cinéma? Faut jouer au Sun Game et faut répondre à la charade qui suit pour trouver un rappeur. Attention, vous êtes prêts? Oui. Tu joues également, tu connais pas la charade. Tu prends note. Tu fais comme si t'étais une auditrice fidèle, attentive. Ou un auditeur. Hein. Attention, n'oublie pas les auditeurs. Très sympathiques, hein. J'ai entendu beaucoup de bien sur nos auditeurs. C'est vrai. Ouais. Apparemment, ils sont beaux. Le Sun Game. Sun Game. Ils sont plein. Ce que j'ai entendu aussi. Alors, la charade du jour. Mon premier, le nombre 314. Ok. Mon second, l'impératif du verbe dire. Mais elle est facile, j'ai déjà tout trouvé. Mon troisième, l'impératif du verbe dire. Mon tout, un rappeur américain. Si vous avez la bonne formule, la bonne réponse, si vous avez réussi à associer tous ces trois devinettes, vous avez gagné une bourriche d'huîtres et également deux places de cinéma. Mon premier, le nombre 314. Mon second, l'impératif du verbe dire. Mon troisième, l'impératif du verbe dire. Elle est pas compliquée. Même si vous connaissez pas l'artiste, vous devrez pouvoir le trouver. Il y a également le nombre 314. Ou alors ça se trouve sous les vaches. Non, ça marche aussi comme ça. C'est pas mal ça. C'est par là où on récupère le lait, c'est ça? Exactement, ouais. Vous avez la bonne réponse. 0 622 69 18 19. Donc vous envoyez un texto avec la réponse 0 622 69 18 19. Et puis allez, un petit piqûre de rappel. À toi Léna. Toi qui connais bien le numéro SMS. Le 0 622 69 18 19. Pardon. 0 622 69 18 19. Ainsi s'achève l'émission du Club VIP hier. Ah oui, on a changé de formule, donc c'est plus paillettes. Bah, c'est le générique de fin aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. C'est quoi? C'est la croisière s'amuse, un truc comme Non, c'était les rendez-vous du dimanche pour le film du dimanche soir qui n'existe plus. Hein, donc je me suis permis de reprendre le générique de fin finalement. Ok. Ciao, bye bye. Au revoir.